Bonjour, je suis encore mi-noir, noir, noir, sur 10 ans par rapport au libre arbitre. D'ailleurs, la plus vieille, c'est la première vidéo. Le libre arbitre, pourquoi je l'ai mis comme ça sur 10 ans? Je me contredis pas, mais je oriente différemment ce que je dis. Pourquoi? Parce qu'avec les années, de plus en plus, moi au début, c'était surtout quand que le monde parlait contre l'ego. Contre l'ego, puis il fallait combattre l'ego, puis l'ego, c'était pas bon, puis tout. Puis je réhabilitais jusqu'à un certain point l'ego, que le monde fasse la différence entre la pollution dans leur ego puis leur ego. Après est venue l'affaire du libre arbitre, l'illusion du libre arbitre. Mais il y a de l'illusion dans le libre arbitre, mais le libre arbitre, dans le fond, c'est la conscience psychologique. Mais là, avec les années, de plus en plus, à mesure que ces notions-là de l'illusion du libre-arbitre apparaissaient, il y avait de plus en plus de monde qui était persuadé que le libre-arbitre n'existe pas du tout, qu'il n'y a rien de... Genre, c'est complètement illusoire, au point de ne plus avoir de volonté, puis de vouloir des guides pour leur dire quoi faire, de vouloir des gourous pour leur dire quoi faire, de vouloir le double pour leur dire quoi faire. Puis si ça vous dit systématiquement quoi faire, d'après moi, c'est pas ça. Le libre arbitre n'existe pas, puis blablabla, puis des sectes, puis toutes sortes d'affaires que de plus en plus, il y a des gourelles surtout qui ont commencé à dire ça, que le libre arbitre n'existait pas, puis tout. Donc, ouais, j'ai adapté. De plus en plus, parce que là, ça n'a plus de bon sens, là. C'est n'importe quoi. C'est pour ça que je parlais dernièrement, il y en a, c'est leur double qui leur disent où parquer leur char. C'est normal, admettons, qu'il s'en vient un danger puis qu'il y a quelque chose qui n'est pas à votre avantage de stationner votre voiture à quelque part, que oui, vous pouvez ressentir instinctivement de le déplacer. Mais de là à poser systématiquement la question si tu es à la bonne place, ben, j'ai bien de la misère avec ça. Par rapport à tout ce qui est le néo-chamanisme puis les drogues chamaniques, ça, là, je suis pas capable. Vraiment pas. Vraiment pas. Je considère que il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus dangereux. Vouloir atteindre l'extra-lucidité par des états modifiés de conscience, c'est dans les choses les plus dangereuses que j'ai vu se répandre dans les dernières années. C'est devenu la grosse mode au point où maintenant, il y a carrément des agences de tourisme qui organisent des voyages de même. Puis il y a toutes sortes d'incidents, puis c'est tout camouflé, puis tout pour continuer à faire de l'argent. Il y a toutes sortes d'affaires. Des morts, là, comme l'affaire Castaneda, c'est incroyable les dérives qu'il y a eu. Mais là, comme jusqu'à un certain point, ça touche surtout aux États-Unis, puis tout, puis au Québec, bon, pas tant que ça, mais il reste que je commence à me rendre compte que oui, il va falloir s'attarder à ça. De plus en plus, hein? De plus en plus. Pourquoi? On l'a vu pendant les dernières années, ça suffit pas de démontrer. On n'est plus dans la logique pure, puis tout, faut discréditer en attaquant carrément. Faut être aussi roc qu'eux autres. Donc, jusqu'à un certain point, je considère que l'intérêt d'une multitude de monde dépasse nos petits amours propres d'ego quelque part. Puis ce que je fais là, c'est moi qui risque. Je risque d'avoir des problèmes à un moment donné, ça pourrait arriver. Mais je considère que c'est la seule chose qui a de l'allure à faire pareil. Là, par rapport à des choses que je peux dire, par rapport à l'effet comme d'une vibration. Moi, ma conjointe, elle sait. Si elle m'envoie des vidéos qui durent plus que 3-4 minutes, je les écoute pas. Puis c'est systématique, là. Tout ce qui dure plus que 3-4 minutes, je ne l'écoute pas. Je considère que c'est trop long. Puis aussi, il y a un paquet d'affaires qui font que je doute. Je doute. C'est sûr que je doute, puis que je regarde des détails, puis je suis tout le temps en train de me questionner. Mais ben franchement, là, moi, les affaires, bon. À un moment donné, là, la négation du libre arbitre, ça commence à être dangereux, ça devient une doctrine populaire que tout le monde interprète. On va devenir des légumes, là, à un moment donné. L'affaire des états modifiés de conscience, ça va faire à un moment donné. Je la pogne pas, celle-là. Les désavantages sont trop c'est trop dangereux. Avez-vous vu pendant les dernières années comment c'était? Ah, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Puis aussi, ben, des fois, je doute. Je suis porté à douter. Fait que je teste, puis c'est le même que je vois. Fait que si vous pensez que c'est incohérent, comment j'agis, il y en a qui le voient. Je le sais parce que on m'en fait part. Des fois, même ça a pris des années. Il y en a, ça a pris des années avant de voir pourquoi. Pourquoi je fais ça de même? J'ai pensé longtemps, hein? Très longtemps. Puis je savais pas quelle forme ça allait prendre. Mais c'est qu'une chose que je peux dire, moi personnellement, j'ai la conscience tranquille, puis je me sens pas coupable de rien. Pourtant, je suis quelqu'un que, oui, je suis porté à me culpabiliser. Puis prenez l'affaire là, d'Anne Pilon, l'affaire là par rapport à Glenn. Là, moi, ça m'a mis en colère. Là, déjà là, je commençais à penser le vidéoclip. J'ai tellement ri en le faisant, j'en pleurais. J'en pleurais. Un paquet d'affaires, il y a un paquet d'affaires, un paquet de détails que finalement c'est ça qui va faire que, à un moment donné, je me dis, on n'a pas le choix. Faut faire de quoi, ça se peut pas. Au moins discréditer au point de rendre ridicule, au moins rendre ridicule. Parce que c'est ridicule, au moins souligner. Puis je pense pas que, je pense pas. Moi personnellement, je considère pas que je vais si loin que ça. Même pas du tout. Même là, ceux qui sont pas de bonne humeur après moi, là. Parce que, ben oui, mais. Hein? À un moment donné, vous le savez, venez pas. Moi, les histoires là, d'initiation avec. Non, non. Dans les dernières années, il y a trop d'horreurs qui se sont produites, puis ça commence à se répandre de plus en plus, même dans mon coin. J'habite une ville, c'est une des villes qu'il y avait plus rien de nouvel là où ça marchait pas ici. Le marché était pas bon, les autres villes de la région, et ça restait ouvert. Mais là, ça recommence. Ça recommence. Puis il y a des affaires de chamanerie. Bien entendu, il n'y a pas grand monde tant que ça, mais je me doute bien qu'ailleurs, c'est plein. Fait que bon. Puis, dans le fond, moi, je dramatise pas, là. J'ai bien du fun. Je veux dire, dans le fond, là, des correspondants, même sur le net, là, moi, je priorise du monde plus proche que ça, un peu. Je vais pas en faire un drame, puis ce sera pas une peine d'amour non plus, là. À un moment donné, on s'habitue. On s'habitue parce que qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ça vient, ça part.